J'imagine parler des oiseaux. Je ne connais rien sur eux. J'ai imaginé parler des oiseaux ce matin. Une phrase m'était venue à l'esprit, celle-ci. Si nous pensons aux oiseaux. Phrase que je n'ai pas prononcée. Et quand je me la suis dite, donc à l'intérieur, immédiatement, je l'ai rectifiée. Et non plus si, quand. Quand nous pensons aux oiseaux. Et ensuite, ce qui m'a gêné, c'était penser. Au fond, il ne s'agissait pas de penser. Et ensuite, j'ai imaginé un autre verbe. J'ai pensé, alors, pour le coup, j'ai pensé. Quand nous regardons les oiseaux. Quand nous regardons les oiseaux. Et les oiseaux, ça voulait dire quand nous regardons les animaux ou quand nous sommes face à face à un animal, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça, c'était un peu où m'a mené cette première phrase qui était, à mon avis, qui ne contenait pas ce que de penser. Donc si nous pensons aux oiseaux, finalement, devient quand nous regardons un oiseau ou quand nous sommes dans la situation d'un face-à-face avec un oiseau. Et ensuite, toujours ce matin, j'ai essayé d'imaginer une scène, donc de créer une scène dans laquelle je me mettais face à un oiseau. Ce qui a pu d'ailleurs m'arriver auparavant. Je me souviens d'ailleurs avoir eu une rencontre assez longue avec une tourterelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce rapport? Qu'est-ce qu'on y met? Et peut-être, qu'est-ce que lui, l'oiseau, l'animal, met dans ce rapport, dans cette rencontre, qui peuvent être souvent des moments furtifs, mais parfois qui peuvent durer. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ça dure. Donc, ouais. Là, j'aimerais quand même peut-être parler, je ne sais pas pourquoi, mais dans la nuit, je vais essayer d'atteindre l'interrupteur. Voilà, il fait nuit. Il n'est pas très tard, hein. C'est 18h30 dans ces eaux-là. Mais c'est l'hiver et il y a des couvertures qui recouvrent et masquent en partie les fenêtres. Enfin, quand la rencontre se fait, de ne pas bouger, de peur que l'oiseau s'en aille. Et dans cette sorte d'immobilisme, de retenue, comme si je m'efforçais à ne plus bouger, à quasiment ne plus respirer, c'est dans le désir que l'animal, l'oiseau, demeure. Et le désir, c'est qu'elle demeure le plus longtemps possible. Qu'il ne s'envole pas, qu'il n'aille pas voir ailleurs. Et Dans un deuxième temps, et là effectivement, je pense à différentes rencontres que j'ai pu avoir avec les animaux. J'en ai eu pas beaucoup, et au fond, j'en ai comme tout le monde, c'est-à-dire que je ne cherche pas cette rencontre à tout prix, mais enfin, je ne suis pas de volonté de répéter la scène. Et donc, dans un deuxième temps, ou en même temps, je ne sais pas, c'est difficile de. J'ai besoin, ou je crois, ou disons, avant de mettre un verbe de modalité, on pourrait dire simplement que je fixe du regard les yeux de l'oiseau. Et j'aimerais essayer de. Non pas comprendre ni épuiser, enfin. J'en serais pas capable, mais disons que dans cette fixation, dans le fait de me fixer au regard de l'oiseau, il me semble que j'essaye d'y mettre une intensité, ou une intensité pour qu'il me regarde. En fait, en le fixant, en croyant y mettre une intensité différente d'autres moments, je cherche à capter, ou j'ai cherché, ou il me semble, ou j'essaye de capter le regard de l'animal, pour y peut-être bien y créer ce qu'on appelle une rencontre, ça veut dire un dialogue, ou quelque chose de deux présences mis ensemble. Alors évidemment, je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là chez l'animal. Ce que je peux imaginer, ou par expérience, c'est que si je fais un geste brusque, ou si je vais vers lui, il s'en va. Et donc, en restant immobile et en le fixant d'une manière intense, sans fermer les yeux, en ne regardant que son œil, j'attends qu'il fasse un pas vers moi. Peut-être quelque chose de l'ordre d'une. Comme moi, je ne peux pas aller vers lui, j'attends, je désire, dans cette sorte de. À la fois dans une sorte de. Pétrification du corps, ou dans une sorte où je me fige et je fixe dans le désir que l'oiseau qui me fait face s'approche, qu'il n'ait pas peur, et peut-être sans le lui dire, mais en le montrant en cette patience, c'est qu'il ressente qu'il n'a rien à craindre et qu'il peut ou pourrait venir sans risque.